C'est la chronique NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com. Salut Tony. Bon matin, Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, on va se parler évidemment, c'est dimanche matin. On n'a pas été capable de se parler vendredi. Donc, colloque, tu m'en parlais avant de rentrer en onde dans ton emploi. C'est très intéressant. J'aimerais ça que tu racontes un peu en onde. Ouais, ben c'est les étudiants de l'Université Concordia. Ça s'appelle le John Molson Sports Marketing, qui organise, c'était leur 24e année, ils organisent un congrès sur le management, sur la gestion du sport, donc marketing, les finances, communication, ressources humaines, organisation, donc, puis ils invitent, en tout cas, ils réussissent très bien. Et à chaque année, ils réussissent des grands gestionnaires, des exécutifs, des VP, à tous les domaines, de tous les sports professionnels. Donc, on avait du monde de la NBA, on avait du monde des Blue Jays, des Canadiens de Montréal au hockey, Kevin Gilmour de l'Impact qui était là. Il y a eu des femmes aussi, la fille qui s'occupe en Amérique, qui s'occupe de la Ligue Bundesliga, donc la ligue allemande de soccer. Ah, c'est bon ça. Fait qu'elle parlait de comme quoi qu'eux autres, ils veulent promouvoir leur sport, puis ils ont un Allez. bureau à New York, là. C'est incroyable, là. Donc, puis hier, j'ai passé toute la journée avec l'exécutif de l'expérience des fans des Eagles de Philadelphie. Donc, C'est-tu pas ça un message que Catherine Reich, les Eagles, ils l'ont manqué totalement le bateau? Les Eagles ne voulaient pas qu'elle parle en France, aux médias québécois, hein? Ah non, malheureusement, C'est non, quelque j'étais pas chose. préparé pour ça. Non, c'est sûr que, mais c'est quelque chose qui aurait. C'était pas fort cette fois-là, là, tu sais. Ouais, mais sont très Conservateur. égocentriques aussi, la NFL. Donc, fait très attention. J'ai réalisé hier que la NFL, au niveau légal, tout qu'est-ce qu'ils font est scruté à la loupe, là. Donc, non, malheureusement, on n'a pas parlé de ça parce que, veux pas, les conférenciers, ils dirigeaient leur message à des étudiants, des futurs, t'sais, étudiants universitaires, des futurs gradués qui cherchent un emploi. Donc, c'était vraiment beau de voir la jeunesse en habit, en tailleur, pour le futur. Puis l'enjeu, c'est l'expérience. L'enjeu, puis même au football, c'est d'être comment connecté avec le partisan, parce que de plus en plus, ils vont pas au stade, donc comment les rejoindre Non, d'ailleurs. c'est ça, Donc, c'est les médias sociaux, la télévision, et ainsi de c'est suite. Donc, on ça. s'en va. Ben, la télévision, de moins en moins, même de ça, là. Ben, c'est le gros défi. Les gens de finance marketing ont beaucoup parlé de c'est quoi l'avenir du streaming, là, parce que là, quand ils vont négocier les contrats, là, Ça va rentrer en ligne de compte. exactement. C'est un gros défi. Tu vois que c'est un gros défi, puis ben, il va y avoir beaucoup d'argent. Ah, ouais, c'est. Puis ça cesse pas, hein. On dit que la Ligue canadienne, pas la Ligue canadienne, mais le sport professionnel va frapper un mur. Mais non. Là, c'est les paris sportifs qui s'en viennent. Parce que maintenant, Ben, c'était légalisé aux États-Unis. Les c'est paris ça. sportifs, je pense qu'ils vont pouvoir remettre un demi-pour-cent, quelque chose de même. Mais c'est Exact. beaucoup, là. C'est beaucoup, un Exactement. demi-pour-cent des paris sportifs, là. T'as apporté un bon point, Danny, parce que ça a été les deux sujets, parce qu'ils ont vu qu'ils s'adressaient à des jeunes. Si vous voulez rentrer dans le domaine, la business dans le futur, c'est Le le streaming. gambling. Donc, le gambling, le streaming, puis les fameux data, tu sais, l'analytique. Donc, il engage beaucoup de monde, même au niveau décisionnel, dans les finances, dans le marketing, puis autant sur le terrain. Ben, il y a beaucoup de statistiques. Donc, les jeunes qui trippent statistiques, mathématiques, les organisations professionnelles recherchent beaucoup ça. Donc, c'est les trois enjeux que les clubs professionnels vont avoir, donc streaming, le gambling. Et le data, là, les chiffres analytiques, là. Donc, très intéressant. On va faire un petit peu le tour de l'actualité de la NFL. C'était le bilan de mi-saison la semaine passée, puis j'ai oublié de te demander ta surprise et ta déception. Donc, jusqu'à maintenant, ta surprise, c'est qui? Ben, la surprise, on s'attendait qu'il s'améliorait, mais il faut mettre les 49ers là-dedans. Ouais, donc, invaincu encore. On s'attendait, on voulait vraiment voir comment Jimmy Garoppolo, suite à sa grande blessure, mais ils vont très bien. Ils ont eu quand même un calendrier plus ou moins facile, mais c'est quand même une surprise. L'autre surprise que je dois dire, c'est qu'on avait vraiment de pas de grosses attentes face aux Packers. Okay. On doutait, pour moi, là, on doutait vraiment la relation d'Aaron Rodgers avec le nouveau coach Matt LaFleur, mais ils ont réussi au niveau de la défensive. La défensive des Packers a vraiment aidé l'attaque des Packers. Aaron Rodgers a gagné des matchs. Donc, moi, c'est mes deux grandes surprises, je dirais, là, à mon niveau. Là. Puis, on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils sont sous l'ombre des Patriots. Mais les Bills de Buffalo... Oui, effectivement. Les Bills de Buffalo connaissent... on dirait c'est des... On n'entend pas beaucoup parler, fait que c'est eux autres qui vont peut-être aller loin là, d'ici la fin de la saison. Mais oui, Buffalo, c'est mes trois équipes, mes trois surprises là, dans la NFL après à la mi-saison. Déception. Les Browns de Cleveland. Moi, je suis pas surpris du tout. Je suis pas surpris, mais tu sais, des fois, là, on s'attendait à mieux. Quand tu dis qu'ils ont juste une victoire de plus que les Dolphins, ils ont une victoire de plus que les Jets, les Browns avec toutes les attentes, je pense que ça a été dit, c'est que c'est une équipe très talentueuse, mais au football, c'est l'équipe qui compte, puis comment les individus jouent ensemble. Et moi aussi, en début d'année, si on retourne dans nos archives, là, c'était Freddie Kitchen, le coach. Un coach recru avec ce genre de talent et de comportement, d'attitude, de diva, là. C'est vraiment, pour moi, c'est une déception, là, même si on n'est pas surpris, là. Okay. Mais fallait s'en attendre là-dessus. On n'a pas les mêmes choix. Moi, ma surprise, on pourrait parler des 49ers. Oui, c'est une surprise aussi, 8-0. Mais dans mon livre, à moi, la grosse surprise, c'est les Saints à Nouvelle-Orléans. Pourquoi les Saints? Parce que rappelle-toi Drew Brees, en début de saison, premier match, perd pour plusieurs semaines. On a dit, oh mon Dieu, la saison des Saints vient de prendre le bord. Ben non, Teddy Bridgewater a fait tout un travail comme carrière numéro 2. Et c'est là que ça prouve que quelque part l'importance d'avoir un bon corps numéro 2. Et Bridgewater a fait le travail. Les Saints, c'est une grosse surprise. Les Ravens de Baltimore, 6-2. Lamar Jackson, on disait en début de saison que c'était rien qu'un coureur, c'était pas un passeur. Mais la semaine passée, il a démoli la défensive des Pats. Je l'avais un peu prédit qu'il y a une première défaite. Mais pas à ce niveau-là. Et la troisième surprise qu'on pourrait dire, c'est... je vais peut-être parvenir. Du côté des déceptions, les Falcons sont un 7. Probablement une déception. Une grosse... Tu sais, Danny, on fait ces chroniques-là pour pas être toujours en accord. Il faut qu'on ait du contenu. Mais tout à fait, les Falcons... mon autre surprise, c'est les Colts d'Indianapolis. Avec la perte d'Andrew Luck. Écoute, juste avant le début de la saison, tu perds... Imagine-toi le Canadien perd Carey Price, là. Oui. Tu sais, ça démolit tout la saison, d'après toi? Oui. Ben, tu vois que... Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis pour venir où les Saints, là, il faut de plus en plus reconnaître et respecter le travail de Sean Payton. Tu sais, après Belichick, là, tu peux mettre Sean Payton là, dans les entraîneurs aujourd'hui là, qui font de l'excellent travail. Puis chapeau à Teddy Bridgewater parce qu'il était revenu d'une blessure très sérieuse. Les Dolphins l'avaient approché. Fait que même moi, comme fan des Dolphins, j'étais assez content qu'il n'ait pas accepté cette job-là. Puis, mais tu vois qu'il prépare la relève aux Saints, puis là, Drew Brees est revenu. On doutait qu'il était revenu trop tôt, puis il a connu vraiment un match, un excellent match. Fait que oui, je suis entièrement d'accord avec tes choix, Danny. Les Falcons, le coach risque d'être congédié d'ici la fin de la saison ou à la fin de la saison. Donc, oui, c'est des grandes déceptions. L'autre déception aussi qu'on peut rajouter, Danny, c'est les Chargers. Les Chargers, oui, les Bears de Chicago, sans être une équipe, on pensait qu'ils pourraient être une équipe de la nationale. Oui. J'ai même vu une prédiction au début de saison qui disait qui voyait au Super Bowl, moi je trouvais ça tiré par les cheveux, parce qu'avec Mitchell Trubisky, je me disais, oh mon Dieu, non. C'est ça. Mais finalement, les Bears peuvent être considérés comme une déception aussi. Là. Tout à fait. Et les Chargers, oui, effectivement, les Chargers. Il va y avoir plusieurs carrières, hein, on peut en parler dans les sujets. Plusieurs carrières qui risquent d'être à leur dernière saison avec la NFL. Il va y avoir des mouvements, j'ai l'impression. De commencer par Cam Newton, je pense que c'est la dernière année de Cam Newton. Tout à fait. Il en parle même justement ce matin, là, de plus en plus. La seule affaire, c'est quelle équipe, je suis pas sûr jusqu'à quel point, quelle équipe va les prendre, parce qu'il a de l'air d'être physiquement fragile un peu. Là, donc, pour un corps mobile, il faut qu'il change un peu son style, puis il a de l'air d'avoir une tête dure pour ça. Ouais. Fait que, ben des corps arrière, il va y avoir beaucoup de mouvements. On sent un changement de garde dans les corps. Puis les corps recrues, il y a des excellents jeunes. Minshew avec Jacksonville qui a connu une bonne séquence. Donc, Stafford en passant, on est dimanche matin. Il jouera pas. On parle de 3 semaines. Il connaissait une très bonne saison malgré tout. Donc, c'est tous ces gens-là qu'on voit qu'est-ce qui va se passer. Là. Il va y avoir des vétérans. Andy Dalton est à sa dernière année à Cincinnati, d'après moi. Après ça, tu peux mettre Eli Manning, qui sera également... je pense qu'il reste un an ou deux dans le cas d'Eli Manning. Donc, je m'attends à plusieurs mouvements de personnel. Les matchs... on pourrait peut-être parler également des matchs à surveiller en fin de semaine. Donc, le gros match, moi, ben écoute, je pense qu'on va être d'accord là-dessus. C'est Seattle à San Francisco. Tout à fait. Il y a bien du monde qui disent non seulement c'est le match de la semaine, mais parce que vu que les 49ers sont favoris, il y en a qui pensent que ça va être le upset de la semaine. Il y en a qui pensent que les Seahawks pourraient l'emporter, pourraient infliger la première défaite aux 49ers. Les Seahawks, la défense contre la passe n'est pas trop bonne. Puis il faut donner aux 49ers, ils connaissent une excellente saison au niveau de l'attaque. En défensive, les 49ers peuvent gagner certaines batailles face à la ligne offensive des Seattle, mais ça va être vraiment serré, ça va être un excellent match. Ça fait longtemps qu'on n'a pas connu un bon match du lundi soir. Monday Night Football, effectivement. Exactement, donc les 49ers ont une excellente fiche à la maison, mais les Seahawks ont quand même une fiche de 4-0 à l'étranger, donc... mais Russell Wilson est un candidat du MVP, donc ça va être vraiment là. J'espère que ça va être on risque d'avoir un excellent match. Moi, je suis le genre de gars, je vais donner l'avantage du terrain. Les 49ers ont quelque chose dans ce groupe-là. Non seulement qu'ils jouent bien, mais ils ont aussi une belle attitude. Là, donc, mais ça va être un excellent match. Puis, faut s'attendre à une victoire aussi des Seahawks. Faut tout s'attendre. Ouais. Je trouve que la cote est pas mal élevée pour les 49ers. Là. Moi, j'aurais mis un 30 sous là-dessus. Deuxième match à surveiller, c'est le Sunday Night Football Minnesota à Dallas. Pour moi, en tout cas. Oui. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que les autres matchs aujourd'hui, c'est vraiment soirée. Il y a la Ligue canadienne de football. Il y a les demi-finales de l'Est et de l'Ouest qui sont vraiment intéressants. Donc, ça tombe bien c'est tranquille dans la NFL. Donc, c'est ce soir à 20h. Donc, deuxième Minnesota-Dallas. C'est un match important, je pense, pour les deux équipes. Oui, moi je pense que le perdant de ce match-là ne fera pas les séries. Ça, c'est ma prédiction. Les Cowboys sont très forts à Dallas. Ils aiment ça performer en prime time. Puis à l'opposé, on a Kirk Cousins qui est vraiment pas bon durant le prime time. Puis non seulement qu'il est pas bon en prime time, Kirk Cousins, les Vikings sont aussi une mauvaise équipe à l'étranger. Donc, puis surtout dans des gros matchs. Dallas revient d'une semaine de congé. Puis Minnesota, on pensait que c'était une meilleure équipe en défensive, mais ils ont de la misère dernièrement. Dallas devrait connaître un excellent match. Ezekiel Elliott va connaître un gros match à la course. Je pense pas que Kirk Cousins va avoir le dessus sur la défensive des Cowboys. Je vais prendre les Cowboys là-dessus, puis je sais même pas si ça va être serré. Et le troisième match, il y en a un pareil, c'est à 16h30, Caroline à Green Bay. Moi, je pense que c'est un bon match aussi. Oui, c'est à savoir comment que Kyle Allen qui connaît une bonne séquence, puis là aussi Caroline a un excellent joueur qui est candidat au MVP, Christian McCaffrey, qui tient l'équipe sur ses épaules. Comme j'ai mentionné tantôt, les Packers vont très bien. C'est à Green Bay, je pense qu'il fait frette en ce moment ici de l'année, mais je pense qu'Aaron Rodgers puis les Packers vont sûrement éviter une surprise contre les Panthers. Mais ça va être un match serré, entièrement d'accord avec toi, Danny. C'est les trois matchs à surveiller, les autres, c'est ben ordinaire. Ben ordinaire, on va écouter les Alouettes à 13h. Oui, on encourage, oui, pour un gars d'NFL, je vais encourager les Alouettes. Un gars qui, moi, je suis de l'avis à mon collaborateur Pascal Masson de la LCF, un gars qui aime le football et est capable d'aimer tous les sports. Moi, ça me fait tous les genres de football. Tony Guzzo du site internet lebitsnfl.com. Merci beaucoup, on s'en reparle la semaine prochaine. Merci, bon dimanche. Notre ami Tony Guzzo qui nous parlait du match, des matchs à surveiller dans la NFL.